On va accueillir un nouveau collaborateur cette semaine, Yves Bolduc, qui va venir nous parler des séries dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais qui dit série également dit les Saguenay de Chicoutimi. Et on va parler avec Jonathan Hudon de la série entre les Sags et les Titans de Acadie Batters, qui va commencer vendredi à Batters. On va parler avec Jonathan. Salut Jonathan! Oui, salut Danny! Jonathan, les Sags, est-ce qu'ils ont une petite chance ou pas du tout? Ben, petite chance. On peut dire petite chance si on fouille dans le fond du tiroir puis si on est chauvin un peu, mais en toute honnêteté, là, les Saguenay vont frapper un mur contre le Titan d'Acadie Batters. Je trouve qu'il y a une excellente formation. Ça risque d'être très difficile pour les Saguenay. Je sais pas si tu veux que je te dise ma prédiction tout de suite, mais on pourrait peut-être garder le... Ben écoute, si les Saguenay remportent un match, là, ça va être beau, honnêtement. Là, moi, je dis... peut-être une série en 5. Peut-être que les Saguenay vont être capables d'arracher une victoire parce que le Titan a été très, très bon. On a connu une excellente fin de saison. D'ailleurs, il sort sur une séquence de 10 victoires sans défaite. Sauf que à l'occasion, on a échappé un match par-ci, par-là. Notamment la semaine dernière contre les Islanders de Charlottetown. On menait 4-0 après une période. On a perdu 5-4 en prolongation. Donc, ils sont pas parfaits. Ils demeurent humains. Donc, peut-être qu'ils vont avoir une petite bulle là, qui va leur passer puis que ça va permettre aux Saguenay d'aller chercher un match, mais je vois pas comment que les Saguenay peuvent vraiment rivaliser là avec le Titan d'Acadie Batters qui a toute une machine d'hockey là autant à l'attaque qu'en défense. Peut-être devant le filet c'est un petit peu plus faible, mais écoute, on marque tellement de buts, on a tellement une défensive là, dominante que c'est pas parce que le gardien de but est moins dominant que ça devient une faiblesse là, finalement. Donc non, ça va être très très ardu pour les Saguenay. OK. On attendait un petit peu. Est-ce que le Titan est l'équipe pour aller jusqu'au bout? Ouais, absolument. Je crois que oui. Là, sur papier, ont une excellente formation. On avait déjà des bons éléments avant la période de transaction. Peut-être que le début de saison n'a pas été comme ils le voulaient. Mais il n'en demeure pas moins là, lorsque est arrivée la période des fêtes. Ben, premièrement, on fait l'acquisition de German Rubtsov. On a amorcé leur magasinage un petit peu plus tôt là, en faisant l'acquisition du Russe. Rubtsov, des Saguenayens qu'on connaît bien, qu'on a connu un petit peu avec les Saguenayens, pas énormément, mais on l'a connu quand même. Ouais, c'est ça. On a joué 11 matchs cette saison, une quinzaine l'an dernier. Donc 11 matchs cette saison, 11 points. Il a été changé à Acadie Batters au début du mois de novembre. Un petit peu décevant, par exemple, le beau Russe, là, seulement 32 points en 38 matchs avec Batters, 12 buts, 20 passes en 38 matchs. Et des statistiques décevantes pour un choix de première ronde dans la Ligue nationale de hockey là, par les Flyers de Philadelphie. Mais ça demeure un joueur très, très talentueux, donc on aime mieux l'avoir dans notre équipe, c'est certain, que de l'avoir de l'autre côté. Puis aussi, là, autre acquisition, c'est sûr que faut pas oublier Olivier Galipo des Sags, hein, le capitaine des Saguenayens. Avait récolté 40 points avec les Sags en 37 matchs et puis en a rejeté 34 en 30 autres matchs avec Batters. Donc, on a vraiment continué sur sa lancée. Le défenseur de 20 ans est devenu un rouage très important du Titan d'Acadie Batters. Le Titan a aussi acquis Mitchell Barnes des Olympiques de Gatineau. Okay. Ça a bien fait, là, un petit peu plus de points par match, conserver le même rythme. Samuel Asselin, des Cataractes de Shawinigan, a été blessé, lui, cependant, Samuel Asselin, là, blessé à l'épaule, si je me trompe pas. Mais en tout cas, peu importe, ça m'a avancé, là, mais jouer une dizaine de matchs seulement à Batters en étant blessé, je sais pas honnêtement s'il va être disponible là, pour le début de la série. Le gardien de but Evan Fitzpatrick, là, du Phoenix de Sherbrooke, qui a été également acquis, a récolté 17 victoires, là, 17 victoires, 3 défaites, je pense seulement, à Batters, puis c'est pas mal ça. Faut pas oublier là, non plus qu'il y avait le jeune Antoine Morin, ben, le jeune un 18 ans, fraîchement repêché par la Ligue nationale de hockey, là, Antoine Morin. Meilleur marqueur des Titans devant Olivier Galipo, 76 points en 66 matchs. Lui, il appartient au Ducks and Lions, je pense. Hein, oui, je crois que c'est ça, hein, si je me trompe pas, exact. Puis un bon joueur, un joueur assez physique, rapide. Ensuite de ça, là, faut pas oublier... à l'attaque aussi, là, est une Crossman qui est un bon joueur également, là, dans cette profondeur, mais quand même un bon joueur. Leur capitaine, là, Jeffrey Truchon-Viel, un joueur très intense, un joueur tannant, là, à affronter. Puis défensivement, comme je disais tantôt, avec Galipo, le défenseur Noah Dobson, le numéro 53. Lui qui risque d'être sélectionné très rapidement au repêchage. Absolument. On parle des 10 premiers, même ça. Ouais, c'est ça. Ils ont beaucoup progressé là, au courant ouais. dans la liste justement des recruteurs au courant de la saison. Est tellement mobile, là, une mobilité assez incroyable, puis un excellent lancer. Il dégaine rapidement. Là, tu sais, c'est pas besoin de beaucoup d'espace pour décocher son lancer, un lancer puissant. Non, il a tout pour réussir, ce jeune homme. Alors, je vous invite à le surveiller, surtout sur la grande place du Saint-Jean-Jésus. Mm. Il devrait avoir passablement de plaisir. Puis aussi, ben, Adam Hallwell, un autre défenseur qui est très bon, très solide. Kélin Nekaizak, qu'on oublie, ancien défenseur des Saguenayens, a récolté une trentaine de points cette saison avec Batters. Ça avait très bien amorcé la campagne, mais c'était un petit peu plus difficile là, pour le reste de la suite. Mais c'est ça, là, une bonne profondeur, une bonne attaque, une bonne défensive pour le Titan. Donc, pour répondre à ta question initiale là, que tu viens de me poser il y a quelques minutes de jeu, je me suis un peu égaré, mais oui, le Titan est bâti pour aller loin. Pour se rendre au bout, c'est sûr. Parle-moi de Jermaine Rutsoff. Ça semble pas être le gars qui pour transporter une équipe. Hein. Il y a eu beaucoup de publicité sur ouais. lui, mais depuis qu'il est arrivé dans les Jumeaux du Québec, c'est coup-ci, coup-ça. Hein. Ah, exactement. Ce que je lis là, sur lui, là, c'est son manque d'intensité. Son intensité ah, ouais. qui est. Okay. Ouais, exactement. C'est ça, en plein ça. C'est son intensité qui lui manque. Il est pas toujours appliqué à la tâche soir après soir. Donc, parfois, ça a l'air de peut-être moins lui tenter, là. Fait que c'est sûr que ça se complique à ce moment-là pour Rupsoff. C'est un jour. Pour connaître du succès, il faut que tu sois intense, faut que tu travailles fort. Mm-hmm. T'as beau avoir tout le talent du monde. Puis, c'est ça, Rupsoff. Peut-être là, devra apprendre à toujours être la pédale au plancher parce que ça suffit pas, le talent ne suffit pas. Un joueur qui a un plus grand désir, une plus grande volonté que lui, il va lui passer dessus littéralement. Donc c'est ça, là. C'est comme tu dis, c'est pas un joueur malheureusement en tout cas. C'est pas un joueur qui justement peut prendre charge là, d'une équipe puis de la traîner à lui seul. C'est ce qu'il aurait pu faire avec les Saguenayens, d'ailleurs, lorsqu'il est revenu, il aurait pu vraiment tirer l'équipe là, sur ses épaules, mais c'est vraiment pas ce qui est arrivé. 11 points, 11 matchs avec les Saguenayens, seulement 3 buts, des fois totalement absent lors des matchs. A joué quelques bons matchs ici et là, surtout sur la route, mais parfois, il disparaissait totalement. Puis, c'est ce qu'on a vu un petit peu, là, raté d'ailleurs 5 matchs là avec le Titan pour cause de blessures. Encore une fois, là, les blessures, le mine un petit peu, a raté 5 matchs. Il y a eu une séquence aussi de peut-être 2 points en 7 matchs. Mmh. Des fois, 1 point, 2 matchs sans récolter de points. Hop, on fait 3 points là, ensuite blanchi pour les 2-3 matchs suivants. Donc vraiment, un joueur inconstant qui manque d'intensité. Un beau projet quand même pour les Flyers, là, mais ils ont fait pour la place avec lui. Là. C'est comme beaucoup de joueurs russes d'ailleurs. Il y a beaucoup de joueurs russes qui manquent ouais. d'intensité. C'est pas nouveau. Là. C'est pas. Non, exact. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Exact. C'est un russe typique, on dirait. Hein. On a tendance à. Des fois, il y a des russes. Il y a des russes qui sont intenses sur la tâche, mais lui, un petit peu moins. Là. OK. Donc, du côté ouais. des Sags, dis-moi. Quelles sont les cloches que tu as eues, toi, à Ville-Saguenay concernant l'aréna? C'est un peu bizarre ce qui s'est passé la semaine passée. Hein? Tu es d'accord avec moi? Tu sais, on a fermé. Ouais, j'ai parlé avec Simon Tremblay de Radio X, puis ils ont fermé en toute hâtive l'aréna sous prétextant que c'était dangereux, puis finalement, on passe des tests, puis tout est beau. C'est assez spécial, hein? Effectivement, là, il y a des bouts qui m'échappent, effectivement. Phil, savait pas trop quoi dire non plus, Marc Bien. Qui ça? Phil de Gagné, savait pas trop quoi dire non plus quand j'y ai parlé vendredi. Ça voulait dire, tu sais, il a trouvé ça un peu bizarre aussi, comme un peu tout le monde d'ailleurs. Là. Ouais, c'est sûr. Je peux pas croire qu'on a fermé sans Josh pour rien. L'analyse de l'acier, moi, c'est cette partie-là que je comprends pas trop. Là, l'analyse de l'acier, est-ce que c'est l'analyse. De l'acier qui est déjà en place depuis le début que la construction de Saint-Georges, ou c'est l'acier qui a été récemment posé pour renforcer la structure. Ça, c'est le bout qui m'échappe, honnêtement, là, c'est les détails qui ont été un petit peu flou à ce niveau-là, mais c'est sûr que ça provoque des gros de situations là, pour ouais. La ville de Saguenay. Puis mais Saint-Georges, je pense que le problème date depuis un certain temps. Là. Mmh. Il reste que quand même, je pense qu'il va falloir aller, je pense, avec un nouvel amphithéâtre. Quoi qu'on en dise. Simon Tremblay avait raison quand il m'a dit ce passé. Il a dit c'est probablement Philippe Couillard qui pousse par en arrière. pour avoir ouais, ben ça, je... ouais, peut-être, mais c'est sûr que ça pourrait être un beau leg, puis ça pourrait lui donner des munitions là, avec des élections. Regardez, je vous ai donné un beau centre Vézina, réalisez-moi, mais tu sais, un nouvel amphithéâtre, mais en tout cas, ça, ben, c'est des spéculations dont je n'ai pas les réponses exactes. Puis, mais je pense que José Néron, la mairesse, doit prendre son temps, surtout, là. C'est pas obligé d'être octobre décidé, la date des élections. Donc, effectivement. Mais est-ce que la fenêtre sera encore présente après octobre 2018? Je crois que oui. Là. Je crois que les programmes ne devraient pas disparaître du jour au lendemain après les élections de novembre. Donc, peut-être que les opportunités vont être encore là. C'est une grosse bouchée, là, la ville de Saguenay. Là. Mais, tu sais, est-ce que c'est nécessaire? Moi, je continue à dire que oui. On verra la suite des événements, mais un nouvel amphithéâtre au centre-ville avec aussi, on ajoute à ça, là, de nouveaux autogares, des stationnements tout neufs, là, que c'est un problème au centre-ville, puis surtout que l'autogare est à bout d'âge. Un autre édifice à bout d'âge à ville Saguenay. Écoute, c'est comme un petit peu l'histoire là, des 20 dernières années qui nous rattrape. Malheureusement, il y a des choses qui ont peut-être été un petit peu négligées. On a un beau pied d'escale à la baie, mais les problèmes, il y a d'autres problèmes dans la ville là, qui sont un petit peu plus problématiques puis qui ont peut-être été un petit peu balayés dans le coin. Mais bon, hein, on est rendu dans la politique puis on n'embarquera pas là-dedans, je pense. Effectivement. Jonathan Tremblay, un gros merci. On s'en reparle la semaine prochaine avec, je pense qu'il va y avoir quoi, deux matchs de jouer mardi prochain. Ouais, exact. Fait qu'on s'en reparle. Ouais, exactement. Ils jouent vendredi, samedi, les Saguenayens à Batteuse puis ensuite mardi, mercredi à Chicoutimi. Si cinquième match il y a, ben, peut-être vendredi suivant à Batteuse. Bon. Jonathan, on s'en reparle mardi prochain. Jonathan Hudon, notre collaborateur des Saguenay de Chicoutimi.